Une grossesse dure normalement environ 40 semaines. Les bébés qui naissent avant 37 semaines sont considérés comme des prématurés. Le pédiatre et néonatologue Terence Naurishida les classe en trois catégories. Le facteur âge gestationnel est suffisant et univoque. C'est-à-dire que si on compte à partir de la date des dernières règles, donc on va compter à partir de cette date et on compte jusqu'à 37 semaines. Avant 37 semaines, c'est-à-dire que l'enfant est né prématuré, mais on compte aussi après 22 semaines et avant 37 semaines. Dans cette période d'âge, on considère que cet enfant est né prématuré. Il y a des prématurés qui naissent entre 32 semaines et 37 semaines. On les classe parmi les prématurés moyens. Et des enfants qui naissent entre 28 et 32 semaines, ce sont des grands prématurés. Et ceux qui naissent avant 28 semaines, mais après 24 semaines, on appelle des extrêmes prématurés. Le docteur Naurishida nous parle également des traits distinctifs dans enfant prématuré. C'est un enfant de petit poids. Il y a des signes qu'on doit vérifier. Ici, on regarde d'abord la coloration de la peau. Elle doit être un peu rosâtre, mais avec une certaine coloration brique. On regarde donc comment les organes externes, par exemple les oreilles, comment ils sont. Il y a les organes génitaux externes qui ont un aspect immature. Ils réagissent très faiblement. Donc, entre les stimulus, la réactivité n'est pas vive. De nombreuses causes peuvent favoriser un accouchement avant terme. C'est les grossesses donc multiples. Qui dit grossesse multiple dit les muscles de l'utérus sont affaiblis de façon qu'ils ne peuvent plus tenir donc les enfants. Il y a aussi la catégorie la plus importante qui provoque la prématurité directement, donc les infections vagino-urinaires. C'est-à-dire que pour les mamans qui ne se soignent pas régulièrement, ils fragilisent donc les membranes qui devraient se tenir donc l'utérus et l'enfant. Il y a aussi d'autres causes où la mère et le médecin s'entendent pour qu'on puisse interrompre donc la grossesse. À ce moment-là, c'est-à-dire que la mère comprend qu'il a des problèmes sérieux. S'il n'accouche pas prématurément, donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes. Ces causes-là sont comme par exemple le diabète. Il y a l'hypertension artérielle aussi sur grossesse. Il y a aussi à ce moment-là des infections uro-vaginales, mais cette fois-ci, on parle des infections ovulaires. Il y a aussi le facteur âge de la femme qui compte aussi. Les femmes qui ont leur première grossesse après 40 ans ou qui ont leur première grossesse avant 20 ans. Les prématurés exigent une surveillance médicale particulière et plusieurs facteurs détermineront s'ils peuvent rentrer à la maison. Nous y reviendrons dans notre chronique santé avec le pédiatre néonatologue Terence Naurishida.